Seguimos en la Radio Rebelde, la 91.5 FM, la voz insurgente de Katia. En tu grada popular, que se transmite en Caracas, Venezuela, programa antifascista, antirracista y contra la desinformación. Mira, Javier, ¿qué te parece la guarapita? Muy sabroso, loco. Sobre todo la artesanal, es la mejor. No vale, chico, como siempre tú, los franceses, pana. Ah, la banda de Ska Core, tú no explicas, Richard. ¿Qué te parece si escuchamos su tema cuando llegaste? Cuando llegaste, con tu tiempo sin verte, esperándote. Cuando llegaste, con tu tiempo sin verte, esperándote. Get lost in the jungle, jungle of bones, jungle. Get lost in the jungle, jungle of bones, bones. Get lost in the jungle, jungle. Get lost in the jungle. Les rideaux sont tombés, y'a plus rien à voir de ces jours noirs. La nuit étouffe nos passés, et demain qui pourra savoir. Le souffle du temps efface les traces héritées. Je souffre de ce temps qui veut nous faire oublier. On laisse les belles de l'oubli ensevelir nos tristes nuits. On laisse les belles de l'oubli ensevelir nos tristes nuits. Get lost in the jungle, jungle of bones, jungle. Get lost in the jungle, jungle of bones, bones. Get lost in the jungle, jungle. Get lost in the jungle of bones. Plus jamais résonne dans mon crâne ces rues qui criaient plus jamais. Plus jamais, plus jamais. L'histoire, notre histoire commune devait bégayer. Délit de solidarité. N'y a-t-il plus rien de nos choix? Migrants criminalisés. N'y a-t-il plus rien de nos choix? Frontex derrière chaque mur. N'y a-t-il plus rien de nos choix? Des gens de sucré. N'y a-t-il plus rien? Laissez passer. Ensevelir nos tristes vies.